avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone, Jean-Philippe Boisbriand est là, comme d'habitude, avec son choix musical et son chapeau. Aujourd'hui, une émission consacrée à l'amour. Bah, en fait, on n'est pas si loin de la Saint-Valentin. Et il y a plein de chansons d'amour. Des trucs un peu drôles, Odeur, Les Charlots, Bourville, Ed Blasic, Déjà Ferry, Catherine, Ramuncho Macha, toutes sortes de choses. Et on commence maintenant. Télé. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, oh bah tu vois, j'ai bien aimé, moi. Oh bah toi, bien sûr. Dès qu'il y a une femme nue quelque part. Oh, il fait chaud. Ah oui, il fait chaud, oui. Tiens, j'en fais autant. Mais tu te mets nue? Oui. Ah ben moi aussi, t'as. Bien fait. On s'en parlait ça, là. L'autre jour à la télé, ils l'ont dit dans l'émission. 45% des Français couchent à poil. Oui, et après, ils s'étonnent d'avoir des rhumatismes. Oui. Oh ben, c'est un brevet de longue vie. Ils l'ont dit aussi, ils ça. Ils l'ont dit aussi, j'ai entendu. Ils l'ont dit. Dis-moi. Quoi? On essaye. Mais quoi? D'avoir les rhumatismes. Oui. Tu es bête. Mais je t'aime bien. Moi non plus. Serge. Oui. Éteins. Ah bon, tu... Éteins. Tu veux que j'éteigne oui. déjà? Oui. Bon. Voilà. Plus j'y repense et plus je trouve qu'elle était drôlement bien roulée, la petite à la télé. Encore? J'aurais 20 ans de moins, je te jure que... Oh bah, t'as tort de rigoler. Elle te ressemblait. Oh bah merci. Mmh. Ah non, j'étais mieux qu'elle. Oh, c'est à voir quand même. Mais c'est tout vu. Ça, chez moi, c'était mieux. Quoi ça? Ça? Oh, ça peut-être pas. Mais ça, sûrement. Ah, tu parles de ça que je tiens, oui, là. Non, là, chalet. Hein? Hein? Ah oui, ça, peut-être, oui. Ouais. Et ça aussi, hein? Quoi, où? Ça, là, non, là. Ça, là, non, là, là, là, le, ça, ça, oui. Ça, oui. Là? Oui, rappelle-toi, alors. Ah, hein? Oui, ça, je dois dire, c'était pas mal. Je me rappelle. C'est pas drôle, écoute. Tu me chatouilles. Tu me chatouilles. Tu dis que c'est pas drôle, mais tu rigoles quand même. Hein? Ah, tant pis pour toi, je t'en fais autant. Allez. Arrête. Non. Arrête. Mais à quoi ça t'avance? Rien, mais c'est bon. Hein? Qu'est-ce qui est bon? Mais de rigoler. C'est toujours ça. Oui. C'est toujours ça de prix. Oui. Oh! Viens. Et ça? Oh, ben ça alors? Oh! J'y croyais plus. Ah, moi non plus. Oh. On a bien fait d'en parler. Oh, tu oui. vois? Oh oui. Télé. Dis-moi, Jen. Oui. Mais le rectangle blanc, hein. Oui. Mmh. Oui. Mmh. pas ce qu'arrive à la Marie. Moi non plus. Depuis qu'elle est montée à Paris, Emmanuel, elle veut qu'on l'appelle. C'est une question de sexe à belle. Je peux même plus lui parler d'amour. Elle me dit que ça vaut pas Gainsbourg. Et v'là-t-il pas qu'elle me taquine en me susurrant, je vais te faire birkin. Sois érotique, sois érotique. Quelle dit, quelle dit. Viens m'aimer avec tes sabots. Viens m'aimer avec ton râteau. Sois érotique, sois érotique. Quelle dit, quelle dit. Et si tu ne me fais pas de blague, pas de blague. Ce sera mieux qu'à Copenhague. Elle ne paye plus son abonnement à la revue La Vie aux gens. Moi non plus. Maintenant les trucs qu'elle bouquine, c'est rien que du sexe magazine. Sous des prétextes diététiques, elle fait de la cuisine exotique. Et elle me demande après manger si rien en moi n'aurait changé. Sois érotique, sois érotique. Quelle dit, quelle dit. Viens m'aimer avec tes sabots. Viens m'aimer avec ton râteau. Sois érotique, sois érotique. Quelle dit, quelle dit. Et si tu ne me fais pas de blague, pas de blague. Ce sera mieux qu'à Copenhague. Avec ça, y a pas plus têtu. J'ai beau lui dire que c'est sans issue, mais se colle à moi en babylol en me disant ton père est ma folle. Mais ça va être sa fête à sœur. Hier j'ai été chez le docteur. Et je vais prendre un médicament qui va la laisser sur les dents. Sois érotique, sois érotique. Quelle dit, quelle dit. Viens m'aimer avec tes sabots et ton vélo. Viens m'aimer avec ton râteau et ta moto. Sois érotique, sois érotique. Quelle dit, quelle dit. Et si tu ne me fais pas de blague, pas de blague. Ce sera mieux qu'à Copenhague. Sois érotique, sois érotique. Quelle dit, la coche belle. Viens m'aimer avec tes sabots et ton bateau. Viens m'aimer avec ton bateau. Et ton bateau. Fais tes radeaux, moi. Sois érotique. Sois érotique, que je te donnerai tous les bateaux, tous les rabots, tous les crapauds. Dans cette gorge inassouvie. pénètre dans la mousse et livre à ma muqueuse cette volupté des plus douces, issues des joies crémeuses. Redonnez-nous de la crème fraîche. Je n'ai pas eu mon compte, mon Dieu, qu'elle soit dépêche. Oui, je sens qu'il monte. Quand tu me caresses les côtes, te dis bien l'heure. Et ça saute au dalle. Quand tu me caresses les cuisses, je voudrais pas que ça finisse. Quand tu me caresses sur la figure, oh, j'aimerais que ça dure, que ça dure. Quand tu me caresses l'anatomie, c'est vraiment de la folie. Quand tu me caresses le cuir chevelu, là vraiment, j'en peux plus. Boitons l'huile de ricin, bah, c'est gras. Termine ce litre fillette. Oui, mais pas plus, hein. Et brûle-moi le bout des seins. Avec quoi? Au tison de ta cigarette. Ça sent cochon grillé. Pour avaler une araignée. Ouais. Tu nous en fais bien des histoires. Ouais. Toujours des araignées. On termine. Oui, mais la dernière. Tu vois, c'est pas la mer à boire. C'est toi qui le dis. Sadomaso. Ah! Oh, c'est bon. Sado. C'est ton heure d'être fouetté. Oh, chic alors. Apporte-moi vite la badine. Ah, ce que j'aime ça. Après tu pourras m'enfoncer. Quoi, mon amour? Toutes ces punaises dans la poitrine. Ça va être formidable. Il te faut manger ta purée. De gros cafards et des limaces. Oh, je préfère les hannetons. Ne prends pas cet air dégoûté. Je voudrais t'y voir. Non, je t'en prie, pas de grimaces. Elles sont pas fraîches, tes limaces. Sadomaso. Ah, c'est faux. Je n'arrive pas à couper. Bah, qu'est-ce qui se passe? Avec les ciseaux de ton oreille. C'est pas de chance, alors. Tant pis, allons nous recoucher. T'as raison. Laisse-moi tailler ton dos avec un épluche légume un peu plus bas. Puis refais-moi ton numéro. Lequel, chérie? De tatouage au porte-plume. T'en raffoles, hein? Je me sens érotique. Érotico-éthère. Hétéro-sulfurique. Ma très chère Brigitte, j'en ai les yeux agar. Moi personnellement, toutes ces hétéroboîtes, ces aspartates me plongent complètement dans un brouillard d'eau distillée. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là, quinquina, base de Malaga? Toute ma vie, j'ai du souffle. magnésie et le potasse et le calcium. Demande-le au maréchal. Mais surtout pas d'alcool isopropylique. Méfie-toi, petite Brigitte. Ton érotisme à la glycérine. Hétéro, hétéro nous excite. De grâce passe à la vincamine. Montrez Saint-Fernandel. Ne m'accable pas trop. Au diable les pucelles. Je savoure mes sirops. Allez, allez, soyez gentils. Vous disputez pas trop. Oh. Brigitte, bromoforme. Ça, ça, c'est du sirop. Bien sûr que c'est du sirop, le bromoforme. Mais le tolu aussi, c'est du sirop. Et le calyptol, rien à voir avec le capitole d'ailleurs. Et la codéine, ça c'est du sirop encore. Et en 79, c'est à la fabrication. Ça commençait comme ça aujourd'hui, et justement avec ça. Une chanson de Bourvil et Jacqueline Maillan sur une compilation Gainsbourg chantée par de 2006. Et c'était à la demande de Gainsbourg lui-même qui avait connu un succès et aussi la chanson avait causé un scandale. Voilà, alors avec Jacqueline Maillan qui a fait, ça vaut la peine d'aller voir ce qu'elle a fait, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses aussi, dont principalement sous l'actrice qui a joué énormément au théâtre. Bourvil, quant à lui, est décédé très tôt, à 53 ans. Puis, il était drôle. Il jouait de l'accordéon aussi. Il faisait toutes sortes de choses. Moi, je l'aimais bien, surtout quand j'étais jeune, là, je trouvais ça vraiment très drôle. J'étais allé voir La Grande Vadrouille au cinéma. Puis, ça m'avait beaucoup marqué. Les Charlots suivaient avec Sois érotique sur un album qui s'appelle Plein succès de 1992, compilation, et ils ont commencé à être connus avec Antoine qui les accompagnait sous le nom de Les Problèmes, et eux, ben évidemment, ils ont été très connus au cinéma. Remarquez que c'était considéré comme les meilleurs musiciens de studio en France à une certaine époque. Mais des entrées des films, c'est assez impressionnant quand même. 7 460 000 personnes sont allées voir les Bidas en folie qui suivaient La Grande Java, qui avait quand même plus de 3 millions d'entrées. 5 millions 7 pour Les Fous du Stade et des trucs comme ça. Jusque l'an dernier, où est-ce que là on tombe à 15 000? Ils étaient moins populaires. Possiblement. Odeur suivait avec Douce Crème. On reconnaît le style Gainsbourg dans cette chanson. C'était Ramon Pipin's Odeur de 1979. Il paraît qu'il fallait les voir en spectacle, absolument. Parce qu'ils étaient très drôles. Ils existent encore, peut-être, par moment. Alors, du moins, Ramon Pipin fait encore des choses, mais nous, ça a marqué le début des années 80 pour nous, surtout l'album No Sex, qui était vraiment épouvantable. Quand tu me caresses, c'est un truc de El Blaschik sur The Quirky Lost Tape de 93 à 95, pardon, un truc paru en 2016. On dit de lui qu'il faisait la meilleure musique des années 60, des années 90. Ça, puis il produisait chez lui avec sa sœur sur un truc qui s'appelle maintenant ça a été réédité par le label Born Bad, puis on parle d'un truc rétro-futuriste puis en fait du matériel fait à la main, puis tout ça. Donc c'est quelque chose qui était vraiment absolument maison. Puis j'aime beaucoup ça. C'est vraiment, les paroles sont vraiment sympathiques, ridicules. Quand tu me caresses le squelette, je me sens toute guillerette. Quand tu me caresses l'anatomie, c'est vraiment de la folie. Qui était chanté avec Sofia Bellina. Alors, je sais pas si on a des il y a des gens qui disent qu'ils retrouvent l'esprit des Blousons Noirs ou des Ella Atkins là-dedans. Non. Non. Tant pis, mais c'était bien essayé. Ensuite, on a continué avec Didier Ferry. L'album s'appelle, c'est une compilation qui s'appelle The Atomic Café French Cuts de 2002. Et la pièce s'appelle Sadomaso. Et il arrive parfois que l'on ne trouve absolument rien sur quelqu'un qui a fait un 45 tours dans sa vie, par exemple. C'est le cas de Didier Ferry. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé après. Peut-être qu'il faisait pas ça du tout dans la vie, puis qu'il a décidé complètement de faire autre chose. C'est peut-être le cas aussi de René Roland, qui suivait sur une compilation qui s'appelle Discophilia Belgica, Next Door Disco and Local Space Music from Belgium, des trucs de 1975 à 87. La pièce s'appelait Hétéro Disco. Hétéro, c'est E-T-H-E-R-O. À ne pas confondre avec le disco hétéro, qui est tout à fait autre chose. Et le seul renseignement qu'on trouve aussi sur notre ami René Roland, c'est qu'il est belge, que le disque est sorti en 79 et que c'est dans le style disco. Et on apprend aussi que c'est lui qui a écrit les paroles. Et Dan Sarava et Tony Tanado ont fait le reste. Alors, si ça vous aide, profitez-en, parce que moi, ça m'a pas tant aidé que ça. Aussi, donc, René Roland, pour ceux qui le connaissent, je nous en parlerai un jour. Ensuite, on s'en va faire un petit tour du côté de Catherine, du Ramon Chomata, Valérie Lemercier, Mikado. Ah, tiens, ça fait longtemps, ça, que j'entends du Mikado. La position du tireur couché, Chacha Guitry, c'est un des noms de bandes préférées. Et tout cela après une très légère pause. Y'en a qui t'ont promis la lune. terre, d'autres promettent le ciel. Il y en a qui t'ont promis la lune, et moi je n'ai rien qu'à ma pauvre guitare. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Me réveiller dans tes draps, enlacés sous les dredons dorés. Chez moi, le téléphone sonne, mais je me suis endormie dans ton petit lit d'une personne et demie. Le jour chaud. Les tropiques. Acapulco. Le Mexique. Vous êtes si beau. Ça, c'est la musculation. Ah, tous ces poils. C'est beau, hein. Votre moustache. Depuis mes 17 ans. Ce slip de bain. Il est jaune et il est pas mal. Tout cet argent. Je suis chanteur, alors j'en ai beaucoup. Waouh, chanteur. Ouais, la position du tireur couché. Eh, hey, mais j'adore ce groupe. On a pas mal de succès, ouais. Acapulco. Acapulco. Oh, ouais, ça c'est du fond sonore. Quips and Cranks, c'est Cordio et Monsieur Vinci Guerra. Hein, ce n'est pas rien. Là, on a assumé un certain côté kitsch dans notre émission. Oui, ça a commencé par Je pense à toi. Catherine avec Francis et ses peintres sur 52 reprises dans l'espace. En discutant avec Jean-Philippe tout à l'heure, il disait que la reprise qu'ils ont fait de la chanson d'Amadou et Marianne était bien faite, et avec des guitares intéressantes, avec jolis sons, mais parfois il en rit plus qu'autre chose. Mais oui, il y a toutes sortes de reprises là-dessus. Catherine, dont la carrière est assez vaste, s'est entourée de François Ripoche au saxophone, de Fred Schifolo à la basse, Christian Laverne à la batterie et Gilles Coronado à la guitare. C'était quand même déjà son 10e album de Catherine, qui a connu toutes sortes d'époques musicales. Vraiment, vraiment plusieurs époques différentes. Puis là, ben, c'était son époque reprise. Voilà. Disons-le comme ça. Pour Philippe, Catherine, ici. Il est né où, donc? Déjà, je trouve ça toujours drôle. À Thouars, dans les Deux-Sèvres. Puis il a 50 ans. Il est plus jeune que moi encore. Puis vous voyez, déjà, à son âge, j'avais fait aucun album. Ce n'est pas rien. Viens dormir avec moi, Ramon Chomata. De l'amour, c'est paru en 1993. Ramon Chomata, qui est un habitué de l'émission aussi, qui lui vient de Neuilly-sur-Seine, la commune la plus riche, je pense, de France. Fils du peintre Roberto Mata et frère de Gordon Mata Clark. Voilà. Ça nous apprend rien sur ce qu'il fait. Mais il a travaillé entre autres avec Don Cherry, Brian Gesin, John Cage, etc., etc. Et beaucoup de bonnes et belles choses de la part de Ramuncho Mata. D'ailleurs, si vous voulez rire de Neuilly-sur-Seine, vous irez voir le programme de logements sociaux de Neuilly-sur-Seine et les explications du maire. ça vaut vraiment la peine. Valérie Lemercier, Dormir dans ton lit. Pardon, sur une compilation qui s'appelle Tricatel Universalis de 2018. Valérie Lemercier, ben évidemment Béatrice de Montmirail, probablement le truc qui l'a fait connaître le plus. Actrice, réalisatrice, scénariste, humoriste, beaucoup de one woman show aussi, et évidemment bon, quelques trucs dans sa discographie, ce qui nous intéresse ici. Plus, puis il y a quand même pas simplement de trucs, dont des trucs comme Pierre et le Loup, par exemple, où est-ce qu'elle récite Pierre et le Loup et des choses comme ça. Mon Dieu, elle chante Par amour, par pitié de Sylvie Vartan sur l'album Madame M. Voilà. Puis avec des sites Françoise Hardy, toutes sortes de choses comme ça. Mais effectivement, plus une carrière cinématographique qu'autre chose. Mikado nous faisait Naufrage en hiver sur Mikado 1985. Bon, il y avait un kitsch assumé dans là-dedans. Grégory Serkinski et Pascal Borel, et il y en a qui auront peut-être reconnu l'influence de Yellow, des gens de Yellow Magic Orchestra, Monsieur Ozono, Aromi Ozono et Ryuichi Sakamoto. Ozono a produit leur premier disque en 1985, puis ils ont eu, on s'en doute un peu, beaucoup de succès au Japon avec ce genre de musique-là, de la pop synthé, tout ça, surtout dans les années 80 au Japon, c'était certain que ça pouvait marcher. Et on sait qu'au Japon, à cette époque-là, il y avait une espèce de mode française aussi qui s'est poursuivie d'ailleurs. Oui, elle est encore là. Il y a toujours un certain attachement et une certaine considération pour ce qui vient de France au Japon. La position du tireur couché nous faisait Acapulco sur l'album Acapulco de 2005. Je ris toujours de lire les parfois de certaines critiques françaises ou ça, où est-ce que on trouve que Lou Reed s'est rapproché dans leur affaire, parce que tantôt quand je disais d'autres trucs sur eux, on parlait du Velvet Underground, des trucs comme ça. Non, c'est dommage, mais non. Le Gainsbourg et Bardot, ben évidemment, il y avait presque une imitation dans la chanson qu'on a écoutée. Mais ça aussi, il y avait Sinatra, Hazelwood. Non. Jean-Philippe me dit, il parlait peut-être du disco qu'ils ont fait en 78, Inconnu. C'est ça, mais on aime bien la position du tireur couché, même si non, je trouve pas que c'est près de Lou Reed, mais vraiment pas du tout. C'est ça. On a terminé avec Non, Non, Non de Chacha Guitry sur une compilation qui s'appelle The French Saint Wave, Saint-Étienne 1981, un truc paru en 2014. Et eux, on peut avoir des informations sur eux en allant sur leur page Facebook. Alors faites Chacha Guitry tout simplement, puis il y a une page Facebook où ils racontent un peu leur histoire et l'histoire de Saint-Étienne par la même occasion, ville qui a vu beaucoup de choses changer rapidement au début des années 80. Et maintenant, qu'est-ce qui va nous rester à voir? Un petit bloc avec toutes sortes de choses comme Charles Barabé, Flavien Berger, Zombie Zombie et bien d'autres. Des cris, des cercles blancs dans l'eau. ta bouche d'azur, dilue les heures, m'aspire dans les profondeurs, les grincements à chaque virage et sur les sièges de velours se cristallise notre amour. Aquatiques effacent les plongeurs, les fantômes de baleines en haut du précipice, et puis notre lointaine idylle des abysses. Thank you. ça c'est très joli, ça, le final de David McCombe. Qu'est-ce qu'on a eu pour terminer l'émission? Ah oui, avant de terminer l'émission, je vous signale tout de suite que, oui, Benoît Arcand est là. Donc, il est prêt pour faire Terrain Vague. On a commencé avec Charles Barabé. Alors pour terminer, nous avons commencé avec Charles Barabé, qui nous faisait Amour dernière bouée, sur un disque qui s'appelle Avant-garde avorton romantique, Transrational Suite de 2017. Assez difficile de trouver beaucoup d'informations sur Charles Barabé. Victoriaville, Montréal. On peut faire le lien entre ces deux villes et on va trouver que Charles Barabé apparaît là, quelque part. Alors, on a pas plein de choses. Peut-être un jour, on en aura. On va l'inviter, on va l'appeler, puis on sait comment le rejoindre. C'est écrit « rejoindre comme ça ». Fait qu'on va y écrire, puis on va dire « fais-nous une bio ». Puis envoie-nous une bio, parce qu'on en met régulièrement quand même et on n'a jamais tellement de choses à dire sur lui. Flavien Berger suivait avec Abyssinie sur l'album Léviathan de 2015. Bon, on parle d'artistes hybrides mélangeant électro-psychédélisme, mais surtout, c'est de la chanson française. Ce que je trouve... on dit qu'il a découvert la composition sur sa PlayStation 2 avec Musique 2000. Il va falloir que je m'en achète un truc de Musique 2000 aussi pour me mettre à composer. Et à quand le retour de DJ Pépère? C'est ça. Ah, ça, on verra à un moment donné. Alors, DJ Pépère, qui était un collaborateur qui était vu comme ça à l'émission quelques fois, puis peut-être reviendra un jour. Alors, pas énormément de production chez Flavien Berger, mais ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, ça fait qu'une fois qu'on en met, c'est plutôt chouette. Plutôt chouette, oui. Disons ça comme ça. Zombie nous faisait The Wisdom of Stones, Do You Believe In? Sur Rituel, pardon, d'un nouveau monde de 2012. Zombie. chez eux aussi, on peut parler de toutes sortes d'influences. Alors, il y a Étienne Jaumet et Cosmic Nema, le batteur d'Herman Dune. Voilà. Et on parle dans les influences de Fela Kuti parce que et d'un film d'horreur qui s'appelait Zombie. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur eux? Qui a aussi Doc Schoenberg. Oui, c'est ça qui joue avec eux. Et c'est des trucs qu'on met régulièrement. Et c'est bon. C'est bon. Leur inspiration, il y a toutes sortes d'inspirations là-dessus. Et ils sont toujours à propos, je trouve, Zombie. À propos, me dit Jean-Philippe, ils sont à propos. Deutsch-Amerikanische Freundschaft nous faisait Kinderfun sur Die Kleinen und die Bösen de 1980. Je devrais pratiquer mon allemand mieux que ça parce que je suis supposé aller en Allemagne bientôt pour dire bonjour à des gens. C'est un groupe rock allemand originaire de Düsseldorf. Si vous aimez la bière Alt, vous irez à Düsseldorf. On parle souvent d'eux à côté de Kraftwerk et de Cannes comme les groupes les plus qui ont le plus influencé la musique électronique. Et effectivement, c'est de la bonne musique électronique, comme on aime, avec toutes sortes de sons. Il y avait Gabriel Gabi, Delgado Lopez, Richard Girl et dans les anciens membres, Kurt Dahlke et Wolfgang Spellmans et Michael Kemner. Kemner. Et à un moment donné, ils se sont débarrassés de Gabi, Gabriel, parce que, en fait, c'est drôlement écrit dans l'article, la façon de Gabi de, entre parenthèses, se jouer des symboles fascistes n'ayant pas plu aux autres. Et je ne sais pas exactement si ça veut dire ce que ça veut dire comme formulation, mais il y avait une caractéristique aussi au moment où tout le monde arrivait avec des percussions électroniques. Eux continuaient à avoir de la vraie batterie. Et effectivement, ça donnait un côté plus chaud à leur musique. Et c'est comme ça que ça se termine. Oui, imaginez-vous, c'est comme ça que ça se termine, tout simplement. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? D'habitude, rendu à ce stade-ci, il me reste une seule chose à dire et je vais le dire. À la semaine prochaine.